a-t-il à dire sur l'amour qui n'ait pas encore été écrit ou chanté? Qu'il y a-t-il à dire sur l'amour qui n'ait pas déjà fait rire ou pleurer? L'amour est si intense qu'il démène notre cœur dans tous les sens. L'âme de joie ou l'âme de tristesse? Ainsi se traduit l'amour dans toute sa richesse. Palpitations, yeux qui brillent, genoux qui flanchent et poils qui se hérissent. Tomber amoureux est une grande aventure, qu'il est bon de garder authentique et pure. Les adultes ayant trop l'habitude de réfléchir longuement, l'amour est meilleur quand il est apprivoisé avec un cœur d'enfant. Partager ses délires et ses fous rires, voilà la clé de l'amour au bel avenir. Qu'y a-t-il à dire de plus sur l'amour? Si ce n'est que sa grandeur dépasse notre imagination et que sa puissance dépasse notre raison. Mais lorsque deux cœurs battent à l'unisson, il n'y a rien à comprendre ou à rajouter. Que les âmes qui s'aiment restent ensemble pour